Nous entrons dans tes portes avec la reconnaissance. Nous venons dans tes parvis, Papa, avec la louange et l'adoration. Et en ce jour, nos cœurs prosternés devant toi, nous te disons oui, merci. Oui, Seigneur. Merci pour cette mission divine que tu nous as donnée. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour ce jour-là, qu'on te voie face à face et que tu puisses nous dire, entre mon enfant bien-aimé, tu es un adorateur. Père, que la gloire te revienne. Alléluia. Sanjola, alléluia. Oh, Jesus. belio na kumisio elonga na pai si babobo belio na kumisio elonga na pai likiana na tomolio na sanjolio ozani zambe ambalo yemo belio na kumisio elonga na pai likiana na sopi motema epana yo na yambango luko mtana yo zalingi Tika nga na emba na bi Nere mokosa, yeah.